ragazza. Ragazza vieni qua, dis-moi pourquoi. Ragazza vieni qua, dis-moi pourquoi. Vous êtes les plus belles merveilles du monde, que ça soit en Amérique, ici ou à Londres. Vous usez vos charmes infernales pour obtenir de nous n'importe quoi. Vous bougez vos formes idéales, puis crac, on perd notre sang-froid. Parfois vous nous faites même pleurer, ça nous donne une raison de tout stopper. Je sais, des fois on a de la peine, du mal à vous comprendre. On cherche trop loin, c'est un problème, c'est dommage que ça nous engendre. Femme, ton sourire illuminera toujours nos villes. Alors arrêtons ce délire, car cette guerre est inutile. Alors ne perdons plus de temps, viens sur la piste de danse, je t'attends. La nuit va bientôt s'en aller, alors profitons encore de la soirée. Ce soir je veux flirter avec toi, car mes yeux ne veulent que toi, que toi. Tu seras entièrement d'accord, mais tu me diras oui, tu me diras. What do you? Et moi je répondrai quoi? What do you? Je le répéterai encore une fois. What do you? Frotte-toi tout contre moi, bouge tes hanches, danse rien que pour moi, pour moi. Tu m'as encore charmé, baby. Ne t'en va surtout pas, je suis ensorcelé. Demain je veux me réveiller près de toi, près de toi. Maintenant arrive le refrain Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. C'est en italien. Ora trema la discoteca, Madonna guarda quella donna che balla sulla pista. Lei muove la vita senza pena. Balla, balla, muovi la gonna. Mi sembra che trema, sì, trema anche la discoteca. Luci basse, fumo basta. La voglio vedere ancora ballare. Ora trema la discoteca, Madonna guarda quella donna che balla sulla pista. Le muove la vita senza pena. Balla, balla, muovi la gonna. Mi sembra che trema, sì, trema anche la discoteca. Luce basse, fumo basta. La voglio vedere ancora ballare. Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi. Vous êtes les plus belles merveilles du monde, que ça soit en Amérique, ici ou à Londres. Vous usez votre charme infernal pour obtenir de nous n'importe quoi. Vous bougez vos formes idéales, puis crac, on perd notre sang-froid. Parfois vous nous faites même pleurer, ça nous donne mille raisons de tout stopper. Je sais des fois, on a de la peine, du mal à vous comprendre. On cherche trop loin, c'est un problème, c'est dommage que ça nous engendre. Femme, ton sourire illuminera toujours nos villes. Alors arrêtons ce délire, car cette guerre est inutile. Alors ne perdons plus de temps, viens sur la piste de danse, je t'attends. La nuit va bientôt s'en aller, alors profitons encore de la soirée. Ce soir je veux flirter avec toi, car mes yeux ne veulent que toi. Tu seras entièrement d'accord, mais tu me diras. Et moi je répondrai quoi? Je le répéterai encore une fois. Frotte-toi tout contre moi, bouge tes hanches, danse rien que pour moi. Tu m'as encore charmé, baby, ne t'en vas surtout pas. Je suis ensorcelé demain, je veux me réveiller près de toi. Maintenant arrive le refrain, dis-moi pourquoi. Ne m'en veux pas, c'est en italien. Ora trema la discoteca, Madonna guarda quella donna che balla sulla pista. Lei muove la vita senza pena. Balla, balla, muovi la gonna. Mi sembra che trema, sì, trema anche la discoteca. Luci basse, fumo basta. La voglio vedere ancora ballare. Ora trema la discoteca, Madonna guarda quella donna che balla sulla pista. Le muove la vita senza pena. Balla, balla, muovi la gonna. Mi sembra che trema, sì, trema anche la discoteca. Luce basse, fumo basta. La voglio vedere ancora ballare.